إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours 22 aujourd'hui dans l'explication de Aqidat al-Raziyyin, la Aqida des deux Razi, Abu Hatim et Abu Zur'a, qui sont deux parmi les grands imams des ulama de l'époque des salafs et qui étaient des imams parmi les montagnes de science dans le ilm al-hadith et dans tout ce qui a rapport avec le hadith. Donc c'est des gens qui ont vécu à la même époque que l'imam Ahmad ibn Hanbal. Donc ça, c'était des compagnons. Donc on peut comprendre l'importance de la science de ces deux hommes. Et ils ont enregistré pour nous leur aqida, qui est la aqida des salaf al-salih. Et ils ont énuméré certains points qui font partie des fondements du manhaj des salafs. Et aujourd'hui, on va parler de deux points, parmi des points qui sont, les points qui sont, un peu chauds, parce que ça a rapport avec des questions qui touchent à des choses qui sont d'actualité. Parce que c'est des questions du manhaj qui ont rapport avec des choses qui sont en contradiction avec ce que beaucoup d'entre les groupes d'égarement à notre époque propagent. Donc on va lire ces points-là. C'est le point 21 et le point 22. On va commencer par le point 21. Après avoir mentionné le fait qu'il est obligatoire pour les musulmans d'écouter et d'obéir aux dirigeants et de ne pas se révolter contre eux, parce qu'ils ont dit dans le point numéro 20, c'était la nara al khuruj ala al a'imma wa la al qital fi al fitna wa nasma' wa nuti'u liman wallahu Allahu amrana wa la nanzi'u yadan min ta'a. C'est-à-dire on ne voit pas qu'il est permis de se rebeller ou de se révolter contre les dirigeants musulmans ni de combattre dans la fitna. Et nous écoutons et nous obéissons à celui à qui Allah a donné sur nous l'autorité et le commandement, et nous ne retirons pas notre main de l'obéissance. Ça, c'était le point 20, le point numéro 20. On a terminé ça la semaine passée. Aujourd'hui, le point 21, c'est la suite de ça. وَنَتَّبِعُ السُنَّةَ وَالْجَمَاعَ وَنَتَجَنَّبُ الشُّذُوذُ وَالْخِلَافِ وَالْفُرْقَةِ نَعَمْ. Donc, c'est-à-dire, nous suivons la sunna et la jama'a. La jama'a, c'est le fait d'être unis, le fait d'être ensemble, et d'être ensemble sur le haqq, sur la sunna. وَنَجْتَنِبْ الشُّذُوذُ وَالْخِلَافِ وَالْفُرْقَةِ. Et on s'écarte et on s'éloigne des shudhuz. Ash-shudhuz, c'est quoi? C'est le fait de prendre des positions singulières, étranges et différentes. Et al-khilaf, c'est la divergence. Et al-furqa, c'est la division. Donc les gens d'Ahl al-Sunnah, ils sont des gens qui appellent toujours les musulmans à s'unir et à rester unis et à rester sur la vérité et à s'accrocher sur la vérité. Tandis que les gens de Bid'a sont des gens qui appellent toujours à la division et à la divergence et yani, à la singularité, le fait de rester hein, avec des positions yani, que c'est juste toi qui as, hein, personne d'autre que toi. Il y a des gens comme ça, comme on dit le dicton qui dit Khalif tu'raf. Khalif tu'raf. Vous connaissez ce dicton? Non? Et ça dit fais pas comme les autres et puis tu seras connu. Hein? Ça dit tu vas te faire connaître. En faisant le contraire de tout le monde, tu deviens connu, yani. Donc il y a des gens qui ont cette mentalité là, Allah l'Ostan. Donc tu les vois, des gens comme ça, yani, juste par exemple, ils vont te sortir toujours une opinion que personne n'a jamais entendue. Hein? Peut-être qu'il l'a trouvée quelque part dans un livre, mais c'est une opinion vraiment singulière. Peu de gens la connaissent, peu de gens en parlent, et peu d'entre les ulama ont eu cette opinion-là. Et peut-être que même c'est quelque chose qui se retrouve dans des exemples, dans des livres de fiqh, qui ne sont même pas supportés par aucune preuve, mais juste que de dire que certains ont eu cette opinion-là, ou certains ont mentionné l'opinion, donc eux, ils te la sortent pour montrer que, oui, moi je connais une position de divergence, et c'est juste pour faire le contraire de tout le monde. Il y en a des gens comme ça, Allah al-Musta'an, ça c'est une forme de mal, c'est une sorte de maladie. Hein, des gens, à notre époque, ils ont ça. Ils veulent toujours être différents de tout le monde. Et c'est pas seulement dans les vêtements, dans la mode et dans toutes les sortes de choses, même des choses haram, il y en a qui se font la compétition là-dedans de vouloir toujours être différent de tout le monde. Mais même dans la religion, il y en a qui ramènent des opinions, personne n'a jamais entendu, mais eux ils ramènent ça juste pour dire le contraire de qu'est-ce que le monde fait, hein? Et puis il y en a qui disent ah mais vous les salafis, vous faites tout ça, hein? Et lui, il dit, ben moi, j'ai envie de faire différemment. Donc, je vais faire autre chose. Il ramène une position, on ne sait même pas d'où est-ce qu'il a sorti. Et puis, il se base là-dessus. Allah musta'an. Donc, on va parler de ça. L'importance de rester unis, de ne pas diverger, de ne pas se diviser. Et de suivre la sunna et la jama'a. Le Cheikh Rabi' hafizahullah, il dit, « Nahnu nad'u ila al-kitab wa sunna. » واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ندعو الأمة كلها إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله ندعوهم إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبين لهم أن الله حرم التفرق إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ونقرأ هذه الآيات موقنين بها نرى أن على الأمة أن تجتمع وتعتصم أن تعتصم بحبل الله. Donc le cheikh il dit nous appelons au Coran et à la Sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran dans sourate Al-An'am ou dans sourate Al-Imran plutôt, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. C'est-à-dire, cramponnez-vous tous et accrochez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et le cheikh dit donc qu'on appelle toute la Ummah, sans exception, à se cramponner et à s'accrocher au livre d'Allah et à la sunna du messager. C'est ça le câble d'Allah. Câble d'Allah, c'est la sunna et le Coran. Et on les appelle tous à suivre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a, on leur clarifie que Allah nous a interdit la division. La division dans la religion, c'est quelque chose qui est haram. C'est haram, yani c'est quelque chose qui fait partie des grands péchés, des choses graves. Et les gens, donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran au sujet de la division, ceux qui se divisent dans la religion et qui deviennent des sectes, tu n'as rien à voir avec eux. Lesta minhum fi shay. C'est une sorte de désaveu. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se désavouer de tous ceux qui se sont divisés dans la religion. Il dit également, dans surat al-Rum, le verset 31 et 32, établissez la salat, hein, établissez la salat et ne soyez pas parmi les mouchriquins ou du nombre des mouchriquins, parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque groupe, chaque parti se réjouissant de ce qu'il possède. Et donc, tu lis ces versets-là, hein, nous lisons ces versets-là et nous sommes convaincus par ces versets et nous considérons que la Ummah a le devoir et l'obligation de se réunir et de s'accrocher tous au câble d'Allah. ونرى أنه لا يجوز هذه التفرق الذي حصل في الأمة إلى 72 فرقة وأنه حرام ما دام أنه وأنه حرام مصادم لنصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit, et nous considérons également, et nous voyons qu'il n'est pas permis cette division qui s'est produite dans la Ummah, du fait qu'elle s'est divisée en 72 sectes, et que cela est haram, et que cela vient en opposition directe avec les textes du Coran et de la Sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est des explications qui mentionne que les musulmans n'ont pas le droit de se diviser. À notre époque, il y a des individus parmi les gens de l'égarement, non seulement qui disent aux musulmans que c'est pas grave de se diviser, que c'est pas grave qu'ils soient divisés, mais ils disent même que l'islam appelle au pluralisme religieux et à la multiplication, le fait d'avoir plusieurs partis, plusieurs sectes, plusieurs groupes, plusieurs tendances, plusieurs croyances, c'est pas grave pour eux. Et ceux qui appellent à ces idées-là, c'est des gens qui sont de la tendance des frères musulmans et de ceux qui suivent ces groupes d'égarement-là. Eux, ils disent, oui, c'est pas grave, la pluralité, le pluralisme religieux, le pluralisme politique. Et toutes ces idées-là, ils les prennent d'où ? Ils les prennent de chez les koufars. Puis ils essaient de les incorporer à l'islam et d'interpréter l'islam à la manière des koufars. De dire oui, l'islam c'est une religion démocratique, c'est une religion laïque, c'est une religion qui accepte le pluralisme, la pluralité, il peut y avoir des divergences dans la croyance, dans la religion, c'est pas grave. Allah musta'an. Et j'ai entendu combien de fois Tariq Ramadan qui mentionnait ça dans ses cours. Une fois j'ai entendu aussi Tariq Souaydan qui disait des choses comme ça. Et Tariq Souaydan dans son cours, une de ses conférences, il disait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait plusieurs partis politiques. Il y avait le parti des musulmans, le parti des munafiqines et le parti des juifs et le parti des chrétiens. Il y en a des exemples qu'il ramène qui n'ont aucun rapport. Ce n'est pas des partis politiques. Mais lui, il essaie de ramener n'importe quoi comme exemple pour essayer de justifier ses idées. Allah musta'an. Il dit, tu peux t'objecter à Allah, tu peux t'objecter au messager, tu peux t'objecter au Coran, à la Sunna, ce n'est pas grave. A'udhu billah. Donc les ulama, les grands ulama de la Ummah ont dit ça c'est des paroles de kufr, ces paroles-là, c'est grave. Donc après, le cheikh il dit « وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَةِ الْأُمُورِ أو محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فنتبع السنة والجماعة ونكون مع جماعة المسلمين ولا نخرج على جماعة الإسلام ولا نفارقهم بقول ولا بعقيدة ولا بعمل ولا نتعاطى الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة ولكن مع الأسف الكثير من الناس يقعون في الفرقة ويسعون في تشتيت الأمة وفي تمزيقها مع الأسف الشديد لكن منهج أهل السنة والجماعة ضد هذه الأساليب كلها. Donc le cheikh il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi, mordez dedans cramponnez-vous à celle-ci et mordez dedans avec vos molaires, pour montrer à quelle force, à quel point on doit s'y accrocher fermement. Il dit, et prenez garde aux nouvelles choses inventées dans la religion, car toute nouvelle chose inventée dans la religion est une bid'ah, et toute bid'ah est égarement. Hein? Donc les innovations dans la religion, dans la pratique, tout ça c'est des égarements, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis contre ces choses-là. Donc on doit suivre le Coran et suivre la jama'a, c'est-à-dire suivre la jama'a, c'est-à-dire suivre la vérité, suivre les sahaba, suivre les tabi'in, suivre les tabi'in, parce que ce sont eux qui représentent la jama'a en premier. Okay? Puis tous ceux qui se sont divisés de cette jama'a, eh bien, ils sont dans l'égarement. Donc, on doit être avec la jama'a des musulmans. La jama'a, c'est aussi les musulmans qui se sont mis autour d'un dirigeant dans un pays musulman, ce sont eux la jama'a. Donc, dans un pays musulman, quand ils ont un président ou un gouverneur, un dirigeant qui les gouverne et qu'ils sont unis dans ce pays-là, derrière ce dirigeant, donc ça veut dire qu'ils sont une jama'a. Hein? Donc, il n'est pas permis à quelqu'un de venir les diviser ou de se révolter contre cette jama'a, hein? D'appeler à la rébellion et à la révolte, de se diviser. Il n'est pas donc permis de se diviser dans la jama'a, dans l'islam, dans une position quelconque, lorsqu'on est uni, hein, sur la vérité. On ne doit pas se séparer de cette vérité-là. Si on est uni dans la aqidah, qui est la aqidah de la sunna et la aqidah des salaf, on ne doit pas se diviser, et dans l'application et dans la pratique. Et il faut s'écarter de toute cause qui pourrait nous amener à la division. Toute chose qui pourrait être une cause de division, il faut s'en écarter. Il dit, mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens tombent dans la division. Et il cherche à tout prix à déchirer et à diviser cette umma, hein, malheureusement. Mais il dit, les gens qui suivent la méthodologie de Ahl Sunnah wal Jama'a sont contre toutes ces méthodes, toutes ces techniques de division. Et qu'est-ce qui est étrange à notre époque, c'est que les gens qui appellent au Coran et à la Sunnah et qui appellent à s'accrocher à la Sunnah et à s'écarter des bid'ah, c'est eux qui se font accuser d'être ceux qui divisent. Et ceux qui appellent à la bid'ah et à l'égarement, eh bien, eux, ils essaient de prétendre que c'est eux qui essaient d'unir les musulmans et de les garder sur l'union. Alors que la vraie cause de la division des musulmans, une des plus grandes causes de ça, c'est la bid'ah, c'est l'égarement dans la religion. Parce que quand les musulmans se divisent dans la croyance et dans les pratiques, eh bien, c'est là que ça amène des conflits, que ça amène des vraies divisions, et que même ça peut même amener les musulmans à se combattre les uns les autres à cause de ça. Donc c'est le danger des innovations et des bid'ahs. Et c'est pour ça que ceux qui prétendent vouloir appeler à l'union des musulmans, mais qui ne donnent aucune importance au fait d'appeler à la aqidah et au tawhid et à la sunnah, bien, c'est des gens qui prétendent quelque chose avec la bouche, mais qui contredit cette prétention-là par la réalité de ce qu'ils font, qui contredit justement l'appel à l'union. Le cheikh, il explique ensuite un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith très célèbre, le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman. Tout le monde connaît ce hadith-là, ou bien l'a entendu au moins une fois. Sinon, c'est très important de le connaître et de le comprendre, ce hadith. Le cheikh, il dit, عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بخير بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منكم وتنكر قلت فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاة على أو دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلتم فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. Donc le cheikh il mentionne ce hadith qui est un grand hadith. Wa alaykum assalam. C'est rapporté selon Abu Idris al-Khawlani. Il dit, j'ai entendu Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu qui disait, les hommes ou les gens à l'époque avaient l'habitude de demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à propos du bien. Et moi je demandais toujours à propos du mal par crainte que le mal m'atteigne et me touche. Donc lui, il était plus dans la prévention. Hein? Il demandait toujours à propos du mal, dans le but de se protéger du mal. Alors, il a dit, ô messager d'Allah, nous étions dans l'ignorance, dans le shirk, dans le kufr, dans l'égarement, dans l'ignorance, et dans le mal. Et l'islam nous est venu. Allah nous a ramené ce bien. Est-ce que après ce bien, il y aura du mal? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Et il a dit, et est-ce qu'après ce mal, il y aura du bien? Il a dit oui, il y aura du bien encore, mais il y aura quelque chose de fumé dedans, ou de brume, quelque chose qui n'est pas clair dedans. Il a dit, et décris-moi cette fumée ou cette brume. Il a dit, ce sont des gens qui suivent autre que ma guidance, et donc vous reconnaissez des choses qu'ils font comme étant bonnes et d'autres que vous condamnez. Alors je dis, et est-ce que après ce bien dans lequel il y a de la fumée ou de la brume, est-ce qu'il y aura un mal? Il a dit oui, des gens qui vont carrément inviter aux portes de l'enfer, et quiconque leur répond et répond à leur appel vers l'enfer seront jetés dedans, c'est-à-dire vont être jetés dans l'enfer. Je dis, ô messager d'Allah, décris-les-nous. C'est-à-dire, décris-nous ces hommes ou ces gens qui vont appeler à l'enfer. Et il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que ce sont des gens de la même peau que nous et de la même langue que nous. La même peau que nous et de la même langue que nous. Donc, ce sont des musulmans, ce sont des gens qui se disent musulmans, des gens qui font partie, hein, des gens qui viennent des pays d'origine musulmans. Et tu ne les distingues pas du reste des musulmans. Mais, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ils appellent aux portes de l'enfer. Donc, le Hudhayfa, il dit, ok, si j'arrive à cette époque et je vois ces gens-là, qu'est-ce que tu m'ordonnes de faire? Qu'est-ce que tu m'ordonnes de faire lorsque cette chose se produit? Il dit, tu dois rester accroché au groupe des musulmans, à la jama'a des musulmans et à leurs dirigeants. Alors je dis, et s'il n'y a pas de jama'a, pas de groupe et il n'y a pas d'imam, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'État, il n'y a plus de pays, il n'y a plus d'imam, il n'y a plus de dirigeants. Hein, c'est le chaos. Hein, l'anarchie, qu'est-ce que je fais? Il dit, tu t'écartes de tous les groupes et tu restes accroché à la base d'un arbre jusqu'à ce que la mort t'arrive. Et toi, tu restes ainsi. Donc, tu restes accroché à la vérité jusqu'à la mort. Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, il dit, « وَعَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ مَنْ رَأَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية فحذار من التفرق والشذوذ والخروج عن الجماعة والجماعة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأي حال من الأحوال لا في عقيدة ولا في منهج ولا في عبادة ولا في سياسة. وهذا أمر يلزم الأمة, يلزم الأمة كلها علماء وحكاما ومحكومين. نسأل الله أن يجمع الأمة على كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم, فإن ذلك في السعادة, فإن ذلك في السعادة والعزة في الدنيا والآخرة. فأين المبادرون إلى تحقيق هذه الغاية الشريفة العظيمة؟ Donc le cheikh il dit que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il a dit dans un hadith authentique que celui qui voit de son dirigeant quelque chose qui lui déplaît, qu'il soit patient et endurant avec son dirigeant. Et car s'il se divise ou s'il se sépare de la jama'a, yani d'une courte distance, comme une chibre. La chibre, c'est la distance de la longueur d'une main. Hein? Donc si tu te sépares de la jama'a, même une petite distance, hein, comme la distance d'une main, eh bien, tu meurs dans cet état, tu meurs dans l'état de la jahiliya. Tu meurs dans un état comparable à la jahiliya. Et l'état de la jahiliya, ça veut dire l'état dans lequel les gens étaient tous divisés. Chacun avait un dirigeant ou un chef, et ils étaient tous en train de se combattre les uns les autres. C'était le désordre. Eh bien, celui qui se détache de son dirigeant, eh bien, c'est comme s'il mourait dans cet état-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman, mais ça veut dire qu'il meurt, yani, dans cet état de jahiliya. Et donc, il faut faire attention à la division, il faut faire attention de s'écarter, hein, de la jama'a, et de sortir de la jama'a, d'adopter des positions singulières. Et il faut faire attention également, yani, de ne pas se révolter ou de ne pas sortir de la jama'a, de ne pas se révolter contre les dirigeants ou ainsi de suite. Il dit la jama'a, c'est ce sur quoi se tenait le messager d'Allah et les compagnons. La jama'a, c'est ce sur quoi se tenait le messager d'Allah et les sahaba. Et donc, il ne faut pas se séparer d'eux, ni dans aucun cas, et ni dans la aqidah, ni dans le manhaj, ni dans l'adoration, ni dans la politique, et que tu dois rester, hein, avec la umma, avec ses ulama, avec ses dirigeants et avec le peuple. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'unir toute la umma sur le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, car c'est cela qui va ramener aux musulmans le bonheur, la puissance dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc où sont ceux qui veulent, hein, faire des efforts et ils se précipitent vers la réalisation de cet objectif noble et important. Donc tout ça, c'est important, tu vois, du fait que les musulmans restent unis et qu'ils ne se divisent pas et qu'ils ne soient pas en train de se révolter ou de se rebeller contre les dirigeants. Alaykoum salam wa rahmatullah. Tu vois, des fois tu vois des musulmans. Ouais, tu peux. Non, mais tu peux rester assis, hein, j'ai la commande. Ouais. Pas besoin de se déplacer. Non. Donc, des fois tu pries avec des musulmans dans la mosquée, on prie ensemble, on jeûne, tout est correct. Mais, pourquoi? Parce que des fois les gens, ils n'ont pas étudié la religion, ils n'ont pas étudié la aqida, ils n'ont pas étudié le manhaj. Donc ils ont toutes sortes d'idées différentes. Donc tu pries avec un frère à côté de toi, et en apparence, tout est correct. Tu ne dirais pas que ce frère, qu'il a un problème. Mais tu parles avec lui de aqida, et tu constates qu'il a des problèmes, des divergences avec toi dans des éléments fondamentaux de la croyance islamique. Tu parles avec lui de manhaj, et tu vois qu'il a un manhaj différent de celui de Ahl Sunnah wal Jama'a. Tu parles avec lui d'adoration, tu constates qu'il a des divergences avec toi, et qu'il a des points dans lesquels il contredit l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba. Tu parles avec lui de politique, et tu constates que sa notion et sa façon de voir la politique n'est pas basée sur le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs, mais elle est basée sur d'autres choses. Soit qu'elle vient des Khawarij, ou elle vient des Kuffar, ou elle vient des gens de Bid'a ou autres. Donc tu dis, mais subhanallah, comment ça se fait, hein? Parce que les gens, ils font pas d'efforts pour apprendre et étudier le manhaj des salafs, et leur aqidah, et leur compréhension de l'islam. Et c'est pour ça que par la suite, tu vois que ça crée des problèmes et des divisions. Parce que peu de musulmans donnent d'importance à ces éléments-là, alors que c'est fondamental. Hein? Ils parlent de toutes sortes de sujets dans l'islam. Ils parlent de toutes sortes de choses. Des fois, c'est juste des sujets pour, on dirait, pour les divertir. Ou bien pour les détourner de qu'est-ce qui est plus important. C'est-à-dire que des fois, c'est des sujets dont ils parlent, certains hizbiyyin, par exemple, des gens de bid'a, ils parlent de certains sujets qui sont importants dans l'islam, mais qui ne sont pas fondamentaux, ou qui ne sont pas de base. Et, ou bien, c'est des sujets importants qui font partie des bases, mais qu'il y a des choses qui sont plus importantes et plus prioritaires. Eux, ils négligent ça, et ils mettent ça de côté, pour justement continuer à distraire les gens et aller à les attirer vers eux. Puis une fois qu'ils les ont attirés, il est trop tard parce que ils sont déjà attrapés dans le piège, dans le filet. Et après, si quelqu'un d'autre vient leur parler des éléments du manhaj, de la aqida, de l'ahl sunnah et des salafs, ils veulent rien entendre, ils veulent rien écouter. Pourquoi? Parce qu'on les a déjà endoctrinés et on leur a fait le lavage de cerveau. Allah al-Musta'an. Donc le Cheikh, il mentionne comme le point 22, les deux imams, Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi, ils ont tous les deux mentionné, ils ont dit « وَأَنَّ الْجِهَادَ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ مَعَ وَلِيِّ الْأَمْرِ من أئمة المسلمين لا يبطله شيء والحج كذلك ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. Donc ici les deux imams, ils disent que le djihad, il va toujours durer, il y aura toujours le djihad jusqu'à la fin des temps. Il dit depuis que Allah a envoyé son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la venue de l'heure du jugement dernier, il y aura toujours l'ordre du djihad et l'obligation du djihad, mais avec le dirigeant musulman. Avec le dirigeant musulman, c'est-à-dire avec ceux qui sont au pouvoir dans les pays musulmans, pas des petits groupes qui s'organisent tout seuls pour faire le djihad tout seul contre X ou contre Y sans la permission du dirigeant. Ça, c'est pas le djihad. Le djihad, c'est avec Wali ul Amr, avec le responsable des musulmans et le dirigeant des musulmans. Et il n'y a rien qui va l'annuler, le djihad. Et il dit également le hajj. Le hajj se fait derrière le dirigeant. Et en ce moment, en Arabie Saoudite, le dirigeant, c'est le roi sultan, hein. C'est lui qui est au pouvoir maintenant, donc c'est lui qui dirige le hajj. Quand il y a le hajj, c'est lui qui dirige le hajj, ou bien ses représentants. Et on fait le hajj derrière lui. De même que, également, de donner les sadaqat. Hein? Ceux qui vont aller pour ramasser les chameaux, le bétail, des choses comme ça, la zakat sur les animaux, des choses comme ça. Pour la donner, pour que ce soit le dirigeant qui les prenne et qui les distribue par la suite. Donc, ça c'est également parmi les responsabilités du dirigeant musulman. Ça fait partie des tâches et des responsabilités du dirigeant. Le djihad, c'est pas une responsabilité individuelle de chaque musulman. Le djihad, c'est une responsabilité du hakim, celui qui est au pouvoir, celui qu'on appelle wali ul amr. Donc, il y a des adorations dans l'islam, c'est des adorations que chacun il est responsable de les établir. Comme la salat, 5 fois par jour, chacun on est responsable de l'établir. Mais il y a d'autres adorations, c'est uniquement le dirigeant musulman qui a cette responsabilité-là. Et si lui, il ne le fait pas, eh bien, le reste des musulmans sont excusés, ne sont pas punis de ne pas l'avoir fait, si lui, il ne l'a pas fait pour une raison, hein, ou pour une autre. Donc on s'en remet aux dirigeants dans des choses comme ça. Et Donc parmi les exemples de ça, le djihad, c'est le dirigeant, c'est sa responsabilité de le faire. Hein? Et la même chose pour le hajj, c'est le dirigeant qui est responsable du hajj. Et la même chose pour les peines, l'établissement des punitions dans la sharia. Ça, c'est le dirigeant qui est responsable de ça. Et il y a beaucoup d'autres exemples aussi comme ça. Et donc, ça, c'est des éléments qui font partie du manhaj. Ce sont des points tellement importants que les salafs les ont mentionnés dans les questions de manhaj et de aqidah. Donc, Cheikh, il explique, Cheikh Rabi, il explique, il dit « وَأَنَّ الْجِهَادَ مَعْضٍ مُنْذُ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَى قِيَمِ السَّاعَةِ وَشَرَعَ اللَّهُ الْجِهَادَ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ وَأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ وألفت في ذلك كتب ألفت في ذلك الكتب وهناك يعني وهناك دعواتنا الآن عملية وقولية إلى إسقاط الجهاد في سبيل الله وجهاد الدعوة والطلب جهاد الدعوة والطلب من الكفار أن يدخلوا في الإسلام وهذا الأمر لا ينقطع إلى قيام الساعة. الشيخ explique, il dit que Allah a légiféré le djihad dans plusieurs versets dans le Coran, dans plusieurs hadiths aussi, et il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Et il a mentionné quelques livres qui ont été écrits sur ce sujet. Il a dit, il y a des gens maintenant qui sont en train d'appeler les musulmans, soit en action ou soit en parole, à abandonner et à délaisser complètement le djihad, ou à dire que le djihad ne fait pas partie de l'islam. Donc, il y a les deux extrêmes, en fait. Il y a ceux qui disent il n'y a pas de djihad dans l'islam, le djihad, c'était juste en cas de défense, il n'y a pas de djihad. Et il y en a d'autres qui disent, on fait le djihad, puis il n'y a aucune condition, puis n'importe comment, n'importe quand, n'importe où, et n'importe quel moyen, et même s'il n'y a pas de dirigeant, c'est pas grave, hein. L'important c'est juste on combat, on fait n'importe quoi. Ça c'est les deux extrêmes, et les deux extrêmes sont dans l'égarement. Et à la position d'Ahl Sunnah wal Jama'a, qui est la position du juste milieu qu'on va mentionner inshallah. Donc le cheikh il dit par exemple ceux qui essaient de dire qu'il n'y a plus de djihad, eh bien ils sont contre le fait que dans l'islam il y ait qu'est-ce qu'on appelle djihad ou da'wa, le fait de faire le djihad dans le but de faire en sorte que les koufars puissent être appelés à rentrer dans l'islam. Ce djihad-là, il va rester jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'heure du jugement dernier. Il y aura toujours cette obligation-là. Et il dit ولكن مع الأسف انحرف معظم المسلمين عن منهج الله الحق في عقائدهم وعباداتهم وأعمالهم وكثير من شؤون دينهم ودنياهم فعطلوا الجهاد واشتغلوا بالدنيا وتركوا الجهاد فسلط الله عليهم ذلا لا ينزعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم على الحكام جميعا وعلى الشعوب جميعا أن يرجعوا إلى دين الله الحق حتى يخرجوا من دوامة الذل أن يرجعوا إلى دين الله الحق ويستأنفوا مكانتهم ويستأنف قوتهم ثم يواصلون الجهاد في سبيل الله لأن الجهاد لم ينقطع إلى قيام الساعة. Donc le cheikh il dit, il y a des gens malheureusement, il dit, beaucoup de gens, la plupart des musulmans qui ont dévié de la voie d'Allah et la voie de la vérité, hein, dans la croyance, dans les adorations, dans les actions, et dans plusieurs des affaires de leur religion et de leur dunya. Et donc, à cause de ça, ils ont annulé ou cessé de faire le djihad. Et ils se sont préoccupés uniquement de la dunya. Ils ont délaissé le djihad. Et donc, à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala les a frappés par une humiliation qu'il ne va pas enlever jusqu'à ce qu'ils reviennent à leur religion. Donc, on est dans une humiliation actuellement dans le monde musulman, et on est dans la faiblesse parce que on a abandonné d'une certaine façon la religion d'Allah. Et tant qu'on ne revient pas sincèrement à la religion d'Allah, on va rester dans cette humiliation-là. Et donc le cheikh il dit, c'est pour ça que les dirigeants, tous les dirigeants, de même que tous les peuples musulmans doivent revenir à la religion d'Allah, qui est la religion de vérité. Et qu'ils doivent revenir à la religion d'Allah s'ils veulent sortir de ce cercle vicieux d'humiliation dans lequel ils sont. Ils doivent revenir à la religion d'Allah de vérité et reprendre leur place, reprendre leur force. Puis par la suite, eh bien, ils doivent continuer la lutte dans le sentier d'Allah et le djihad dans le sentier d'Allah, parce que le djihad ne va jamais cesser d'être obligatoire jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jugement dernier. Il dit « Al-an, nas yu'ayyidun al-hukam didd al-shu'ub, wa nas yu'ayyidun al-shu'ub didd al-hukam, wa nahnu nad'u al-hukam wa al-shu'ub li'anna al-shu'ub fiha dalal, wa indaha tajahum, wa indaha a'tizal, wa indaha khuruj, wa indaha rafd, wa indaha balaya, qubur, مشاكل لا أول لها ولا آخر يصدق عليهم الحديث إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم أو لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. Le Cheikh il dit aujourd'hui, il y a des gens, ils supportent les dirigeants contre les peuples. Et il y en a d'autres qui supportent les peuples contre le dirigeant. Et nous, on appelle les deux, les dirigeants et les peuples. Parce que dans les peuples, il y a de l'égarement. Il y en a qui voient toujours que la victime, c'est le peuple. Puis le dirigeant, c'est lui l'oppresseur. Alors que des fois, c'est la même, les deux sont injustes. Le peuple est injuste et le dirigeant est injuste. Et des fois, c'est le peuple qui est injuste et le dirigeant qui est juste. Les gens, ils pensent pas à ça. Ils voient toujours les choses d'un seul point de vue. Toujours le dirigeant qui est le responsable. Donc, pour eux, c'est lui qui est le coupable. Mais si le peuple est injuste, c'est qui le coupable? Quand dans le peuple, il y a de l'égarement, quand il y a dans le peuple, il y a de l'injustice, quand dans le peuple, il y a une mauvaise aqida, comme Tajahum, la croyance des Jahmiya ou des Mu'tazila ou des Khawarij ou des Rafida, et d'autres problèmes de ce genre, ou que dans le peuple il y a des gens qui adorent les tombes et qui vénèrent les tombes au lieu d'adorer Allah seul. Ça, c'est des problèmes qui finissent plus. Et donc le Cheikh il dit, on peut donc comprendre que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'applique sur ces peuples là Lorsque vous allez, c'est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque vous allez faire du commerce, avec des transactions interdites, comme du riba ou des choses de ce genre, et que vous allez prendre les vaches par la queue, et que vous allez être satisfait de vous limiter à l'agriculture, et que vous allez abandonner le djihad, eh bien, Allah va faire tomber sur vous une humiliation, et il ne va pas la retirer jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Donc le hadith il est clair. Et le Cheikh il dit فَهُمْ يَعِيشُونَ فِي هَذِهِ الدَّوَامَةِ وَيَلْتَقُونَ الْأَوَامِرُ مِنْ أُرُوبَا وَأَمْرِيكَ أَكْثَرُ الشُّعُوبِ وَأَكْثَرُ الْحُكَّامِ عَلَى هَذَا الْوَضَعِ يَلْتَقُونَ الْأَوَامِرُ وَالتَّوْجِيهَاتُ وَالْمَبَادِئُ وَالْأُصُولُ وَالْمَنَاهِجُ يتلقونها من أعداء الله وما ذلوا في أنفسهم فقط بل زادوا على ما على هذا الذل والهوان أن يعيشوا على أفكار أوروبا وأمريكا واليهود والنصارى شعوبا وحكاما إلا من سلم الله. Le Cheikh il dit, donc les musulmans vivent dans ce cercle vicieux d'humiliation, et en plus ils prennent leurs ordres de l'Europe et de l'Amérique. Il dit la plupart des peuples, la plupart des dirigeants sont dans cet état là c'est pas seulement les dirigeants, il y en a qui disent ah, les dirigeants ils écoutent aux Américains, ils écoutent les Européens, ils sont contrôlés par l'Occident ou des choses comme ça, comme si le peuple lui était innocent. Tu vois, beaucoup des gens parmi les gens, les musulmans, dans les peuples musulmans, ils vivent selon la mode des koufars. Et ils veulent à tout prix imiter les koufars de l'Amérique et des États-Unis et de l'Europe. Dans la façon de s'habiller, dans la façon de manger, dans la façon de vivre, la façon de parler, hein, dans la façon de penser même. Donc ils vivent à l'image de qu'est-ce qu'ils voient à la télé, dans les médias, dans les films, dans hein, la musique, toutes les autres choses. Il y en a des choses halal et des choses haram. Donc ils sont aussi influencés que les dirigeants. Hein, le peuple est aussi influencé par l'égarement de ses peuples et de ses pays que les dirigeants. Donc pourquoi blâmer uniquement les dirigeants dans ce cas-là, hein? Le cheikh il dit, les peuples et les dirigeants sont dans la même situation. Et ils prennent leurs ordres, leurs orientations, et leurs fondements, et leurs bases, et leur voie, leur méthodologie des ennemis d'Allah. Hein? Et donc, ils n'ont pas été humiliés uniquement en leur personne seulement, mais même cette humiliation, le fait de se rabaisser, hein, et d'être insignifiant, eh bien, ils le vivent même dans le fait d'avoir même les idéologies des koufars de l'Europe, de l'Amérique, des juifs et des chrétiens. Et ça, c'est pas seulement les dirigeants, c'est les dirigeants et les peuples aussi qui vivent de cette façon-là. Allah al-Musta'an. Donc, ça, c'est l'humiliation totale, hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Allah va frapper sur vous, va faire tomber sur vous une humiliation. Et elle ne va pas être retirée tant que vous ne reveniez pas à votre religion. Donc, on reste dans cette humiliation-là, ça c'est clair, tant qu'on ne revient pas. Et donc, le cheikh, il dit, « Izlal al-hukam al-zalama l-shu'ub, muntabiqun mimmabad al-yahud wal-nasara, wal-istinjad al-shu'ub, istinjad al-shu'ub wa muhawalati inqadhiha min hada al-zul wal-hawan, بمبادئ أوروبا وأمريكا ما يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى لا يرجعون إلى دين الحق لا في عقائدهم ولا في عباداتهم ولا في سياساتهم ولا في شيء. Donc le cheikh il dit, le fait de rabaisser, d'écraser les peuples de la part des dirigeants injustes, ça vient des fondements des juifs et des chrétiens. Et toutes les idées qui appellent à, soi-disant, essayer de sauver les peuples de cette humiliation, hein, en se basant sur les fondements de l'Europe et de l'Amérique, et des idéologies des Européens et des Américains, les idées de démocratie, les idées de laïcité, les idées de droits de l'homme, toutes ces idéologies-là par lesquelles ils prétendent vouloir libérer les hommes de l'oppression, hein, de la tyrannie, eh bien, tout ça fait partie des causes de l'humiliation des musulmans aussi. Au lieu de se tourner vers Allah et de demander le refuge à Allah et de chercher les réponses dans la religion d'Allah, hein, ils ne retournent pas à la religion d'Allah, la religion de vérité, et ils ne retournent pas à leur aqidah, ils ne retournent pas à leurs adorations, hein, ils ne retournent pas à leur politique qui est basée sur l'islam, non, ils se retournent vers les idéologies des kuffar, Allah al-Musta'an. Et ça, c'est pas seulement les dirigeants, mais même les peuples, hein, parfois. Donc le cheikh il dit, وَقَدْ وَجَّهْنَا نِدَاءَاتْ كَثِيرَةً لِلْجَمِيعِ لِلْحُكَّامِ وَالشُّعُوبِ جَمِيعًا أَنْ يَعُودُوا إِلَى دِينِ اللَّهِ الْحَقِّ وَيُحَكِّمُوا شَرِيعَةَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ أُلُوفَ الْقُبُورِ تُعْبَدْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وهذا ليس منكر يعني ليس منكرا عند الدعاة السياسيين قامت دعوات من أكثر من 80 سنة كلها تدور في السياسة وتحوي في تنظيماتها الروافض والقبوريين والخرافيين والعلمانيين وكل شيء ومع ذلك يحاربون المنهج السلفي وأهله. Donc le cheikh il dit, nous avons dirigé des appels, de nombreux appels, hein, à tout le monde, au peuple, aux dirigeants et au peuple musulman, aux dirigeants musulmans et au peuple musulman. Et effectivement, le cheikh il a écrit plein de textes pour appeler les musulmans et les dirigeants musulmans à revenir à la religion d'Allah de vérité et à juger selon la charia d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la religion et dans la dunya. Il dit il y a des milliers de tombes qui sont adorées en dehors d'Allah. Et il dit pour les gens qui appellent hein, à qu'est-ce qu'ils appellent les groupes politiques soi-disant islamistes, hein, ils voient des gens adorer des tombes dans les pays musulmans, ils disent rien. Pour eux c'est pas mal, hein, c'est pas un problème ça. Alors que c'est la base de tous les garments, c'est le shirk, le plus grand de tous les péchés, ça les dérange pas. Hein, parce que pour eux c'est le pouvoir qui leur intéresse. Tu dois pas te préoccuper de ces choses-là pour le moment. Quand on va prendre le pouvoir, après on va faire la da'wa. Hein? Et regardez qu'est-ce qui est arrivé dans plein de pays où les gens de bid'a, les khawarij, ont essayé de prendre le pouvoir avec les armes. Hein? Et ils ont essayé de détruire les tombes. Hein? Avec la force. Sans faire de da'wa avant. Sans appeler au tawhid et sans éduquer la population à l'islam. Juste, t'arrives comme ça, tu détruis. Puis après, qu'est-ce qui arrive? Quand ils s'en vont, quand ils sont écrasés, quand ils sont disparus, toutes ces tombes-là, ils les reconstruisent encore une fois. Et elles reviennent encore une fois. Pourquoi? Parce qu'ils ont détruit les idoles, mais ils n'ont pas détruit ces idoles-là dans le cœur des gens en premier. Donc même si tu les détruis mille fois, mais que tu n'as pas commencé par faire la da'wa en premier, eh bien ces idoles-là, elles vont revenir. Hein? Allah al-Musta'an. Regardez les idoles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détruites à la Mecque. Hein? On les voit, on les a plus revues maintenant. Parce qu'il a commencé par les détruire dans la croyance des gens en premier. En les appelant au tawhid d'Allah. Hein? Mais si tu commences par tu veux faire les choses à l'envers, ça ne marche pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 10 ans à la Mecque. Et pendant 10 ans, il a appelé à la ilaha illallah. Et les mouchriquins de Quraysh, ils adoraient les idoles tous les jours hein, à la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant toutes ces années, il n'a pas détruit une seule idole à Mecque. Pendant les 10 années qu'il était là-bas, il n'a rien détruit des idoles. Il les voyait en train d'adorer les idoles, il ne les a pas détruits. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce n'était pas le moment. Il savait qu'avant de détruire les idoles, il faut appeler les gens à comprendre que ces idoles-là sont fausses. Sinon, les gens vont continuer quand même à vouloir les adorer. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc c'est ça, les du'as politiques, hein, les gens qui se basent sur la politique, ils veulent juste le pouvoir. Tu vois, ces gens-là, ils forment un parti islamique, ils rentrent dans les élections, ils pensent qu'avec ça, ils vont rentrer, puis créer un État islamique, puis appliquer la charia par la suite. Comment tu veux établir la charia? Par un moyen qui est en opposition totale avec la charia. Hein? Donc ça ne marche pas comme ça. C'est par la da'wa que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi l'islam, pas par la politique. Et donc le cheikh il dit qamat da'awat, donc il dit il y a des groupes de soi-disant de da'wa qui prétendent appeler à l'islam, ça fait 80 ans qu'ils ont été établis. Et toute leur da'wa tourne autour de la politique seulement. Et tu trouves dans leur organisation toutes les différentes sectes et toutes les tendances d'égarement. Tu trouves parmi eux des rafidas, tu trouves parmi eux des gens qui adorent les tombes, tu trouves parmi eux des khurafiyin, des soufis, des laïcs, toutes sortes de tendances. Et ils sont tous unis sur une chose, faire la guerre à la méthodologie des salafus salih. Hein? Tu écoutes les du'ats, les gens qui appellent hein, à la voix des ikhwan aujourd'hui, ils ont un seul ennemi, c'est ceux qui appellent à la sunnah. Et qui appelle à la compréhension des salafus salih. Ils n'ont pas d'autres problèmes avec personne d'autre. Ils n'ont pas de problème avec les laïcs. Ils n'ont pas de problème avec les communistes. Ils n'ont pas de problème avec les socialistes. Ils n'ont pas de problème avec les athées. Ils n'ont pas de problème avec les chrétiens. Ils n'ont pas de problème avec les juifs. Ils n'ont pas de problème avec les bouddhistes ou avec n'importe quelle autre religion. le seul problème avec qui ils ont, avec les seules personnes avec qui ils ont un problème, ce sont les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a qui appellent au Tawhid et qui appellent à la Sunnah et à la compréhension des Salafus Salih. C'est leur seul problème, c'est leur seul ennemi réel. Hein? Tandis que tous les autres qui appellent au shirk, qui appellent à la bid'a, qui appellent à l'égarement, ça, ça leur dérange pas. Allah musta'an. Le shaykh il dit, nahnu nad'u ila Allah, al-yahoud, wal-nasara, an yadkhulu fil islam, din al-haq, wa nuhadhiruhum, ghadab Allah, wa'iqabahu lahum, bin-nari khalidina fiha, abadan, in lam yu'minu bil-islam. Donc il dit, on appelle à Allah les juifs et les chrétiens pour qu'ils entrent dans l'islam, la religion de vérité, et on les avertit de la colère d'Allah et de son châtiment, hein, et du feu de l'enfer éternel pour eux s'ils ne croient pas en l'islam et s'ils ne le prennent pas comme sa religion, comme leur religion. Wa nad'u al-hukam wal-mahkoumin والشعوب ندعوهم إلى الرجوع إلى الله وإلى الخضوع لله إلى عبادة الله وحده إلى إخلاص الدين لله وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. Et donc, le cheikh il dit, et nous appelons les dirigeants et les peuples musulmans, les dirigeants, les dirigés et les peuples musulmans, nous les appelons tous à revenir à Allah, à s'humilier, à se soumettre à Allah et à l'adoration d'Allah seul, et à purifier notre religion pour Allah seul, pour qu'il soit adoré lui seul sans aucun partenaire. وإن أي دعوة لم تقم على هذا الأصل الذي قامت عليه دعوات الأنبياء جميعا دعوة فاسدة فاجرة تسعى في الأرض بالفساد ولا تريد للأمة خيرا ولو أرادت للأمة خيرا لاجتهدت وبذلت كل جهودها لإصلاح عقائدها حتى يلقى المسلم ربه موحدا لله مخلصا له الدين أما أن يربت على أكتافها الروافض وعلى أكتاف الصوفية القبورية وعلى الخرافات والبدع والضلالات يضم إلى ذلك أفكار غربية يضيفها إلى هذه الضلالات يقول نحن مسلمون وفي سلامة. Donc le cheikh il dit, tout appel ou da'wa ou organisation ou programme, hein, ou n'importe quoi qui est basé sur un appel qui n'est pas fondé sur l'appel des prophètes d'Allah et qui n'appelle pas à ce à quoi les prophètes d'Allah ont appelé les hommes, c'est-à-dire la base du tawhid, eh bien leur appel elle est corrompue, elle est corrompue à la base, hein, et elle fait partie des appels qui répand la corruption et le désordre sur la terre. Et qui ne veut, ce sont des gens qui ne veulent pas du bien pour la Ummah. Et même si, parce que s'ils auraient voulu réellement du bien pour la Ummah, ils auraient fait des efforts, ils auraient fait tous leurs efforts pour commencer par réformer la croyance des musulmans. Pour que le musulman, s'il meurt et qu'il rencontre Allah, il va rencontrer Allah en étant mukhlis, en étant Mouahid. Il va être quelqu'un qui est sur le tawhid et qui adore Allah et qui purifie sa religion pour lui seul. Donc ça c'est fondamental. Il y a des gens qui appellent à toutes sortes de choses, des da'awat qui appellent au bon comportement, qui appellent à la politique, à l'économie, hein. Ils disent, nous les musulmans, il faut qu'on soit une économie forte, il faut qu'on soit les plus forts à la bourse pour écraser toutes les économies du monde, comme ça on va avoir l'économie la plus forte. Il y en a d'autres qui appellent à d'autres trucs comme ça, hein. Et ils ne réalisent pas que si on a la plus forte économie au monde, mais qu'on n'a pas encore compris comme il faut le tawhid, et qu'on n'a pas appelé les gens à la ilaha illallah et leur faire comprendre la ilaha illallah, et qu'on meurt sur du shirk, on arrive devant Allah, puis notre économie, elle ne va pas nous sauver de l'enfer. Qu'est-ce qui va nous sauver de l'enfer? C'est seulement si on avait une bonne aqida, une bonne croyance, et qu'on avait appliqué ça. Mais si c'est juste des idées, comme ça, quelqu'un dit, ah oui, on est fort politiquement, on est fort économiquement, on a ci et ça. Mais il n'y a pas de base, il n'y a pas d'aqida. Eh bien, ça ne sert à rien. Et donc, c'est pour ça que le cheikh, il dit, si c'est une da'wa qui ne commence pas par réformer la croyance, eh bien, yani, ça ne sert à rien. Et il dit, parce qu'il y a des groupes aujourd'hui, tu vois que yani, les rawafid, ils leur montent sur les épaules, les soufis qui adorent les tombes, ils leur montent sur les épaules, ils utilisent ces groupes-là. Et d'autres qui appellent à toutes sortes d'innovations et d'égarements, et ils rajoutent à ça aussi des idéologies occidentales, ils les rajoutent à ça toutes sortes d'égarements, puis ils disent, non, mais nous on est musulmans, c'est ça l'important. Et ils ne veulent pas qu'on se catégorise ou qu'on spécifie qu'on est sur la voie de Ahl-Sunnah ou la voie des salafs. Ils n'aiment pas qu'on spécifie ou qu'on clarifie ça parce que ils veulent garder les musulmans dans l'ambiguïté. Comme si par exemple dire, non, il ne faut pas dire Rafidi, Soufi, Shi'i, Salafi, Sunni, il faut juste dire musulman. Puis après, quand tu dis, oui, mais toi, t'es quoi? Ah, moi, je suis Naqshbandi, Saharwardi, Chisti, Butchishi. Ah, ça, c'est correct. Mais quand tu dis, je suis la Sunna et je suis la voix des salafs, ah non, ça, tu divises les musulmans. Donc, la bid'a, ça divise pas les musulmans, la bid'a. Mais la voix des salafs et le tawhid et l'islam et la Sunna, ça divise les musulmans? Ça fait pas de sens. La vérité, ça divise, puis le faux, ça divise pas. Donc, c'est clair que derrière ça, il y a une intention, il y a un but. Donc, c'est pourquoi? Parce que quand les gens sont tous sur le faux et qu'ils ne veulent pas que quelqu'un fasse savoir aux autres qu'eux sont sur le faux, ils disent, taisez-vous, parlez pas et dites pas aux autres qu'on est sur le faux. Laissez chacun suivre ce qu'il veut. Comme ça, on va tous être en harmonie dans le faux. Mais du moment qu'il y a quelqu'un qui dit, non, on n'est pas d'accord, ça c'est vrai et ça c'est faux. Et ça c'est la voie de la vérité et ça c'est la voie de l'égarement. Ah non, toi tu divises. Pourquoi tu veux dire qui est dans le vrai, qui est dans le faux? Laisse tout le monde faire ce qu'il veut. Est-ce que c'est ça l'islam? Non, l'islam c'est de dire ça c'est la vérité et ça c'est le faux. Et on s'unit sur la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran à propos des juifs, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. C'est-à-dire tu les crois unis. Quand tu les vois de l'extérieur, tu dis, ah ça c'est des gens, ils sont unis. Mais dans leur cœur, ils sont tous divisés parce que chacun, ils ont une différente voix. Et donc ça c'est la réalité des gens de Hizbiyya, des gens de Bid'a. Lui, il est chiite, Rafidi. Lui, il est soufi, Qubouri, Naqshbandi, Tijani, Saharwardi, Chisti, Chavili, Rifa'i. Et donc, chacun, il a sa voix. Et ils sont tous en guerre les uns contre les autres. Mais ils font tous semblant d'être ensemble. Pour un objectif politique, ou un objectif économique, ou un objectif idéologique. Puis ils disent, on met de côté nos divergences. Les choses qui nous divisent, on n'en parle pas. Puis on travaille ensemble sur les choses sur lesquelles on est d'accord. Pourquoi pas se mettre d'accord sur la vérité et travailler ensemble sur la vérité plutôt que de travailler sur le mensonge puis de dire qu'on s'excuse dans l'égarement. A'udhu billah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu dire ça à Quraysh. On laisse de côté nos divergences. Vous adorez les idoles, puis moi j'adore Allah. Et puis on se met d'accord que c'est pas grave. Chacun sa religion, chacun sa croyance. Vous voulez prosterner devant Lat, Wal-Uzza, Wamanat, Wahubal et toutes les autres 360 idoles que vous adorez en dehors d'Allah, ok, faites qu'est-ce que vous voulez, on va s'unir là-dessus, nous au moins on va faire le bon comportement, on va nourrir les pauvres, hein, on va donner de l'eau quand quelqu'un vient faire le hajj, hein, on va faire des bonnes choses pour aider les gens, quand il y a des orphelins on va s'en occuper, des personnes âgées on va les aider, mais chacun sa religion. Est-ce que c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Et c'était ça la da'wah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non. La première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est la ilaha illallah. C'est-à-dire, il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est batil. Toutes vos idoles là, elles sont fausses. Il n'y en a pas une qui est vraie. Seulement, celui qui mérite d'être adoré, c'est celui qui a tout créé l'univers, celui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui seul qui est Allah, c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Les mouchriquins n'ont pas pu supporter ça. Ils ont détesté cet appel. Et ils ont combattu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam depuis le début. Même ils ont essayé de le tuer combien de fois? Pourquoi? Parce qu'il disait la ilaha illallah. Donc, si quelqu'un aujourd'hui essaie de dire non mais il faut tous travailler ensemble peu importe nos divergences, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a pas fait ça? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui il a appelé à dire aux gens, laissez de côté vos idoles et venez adorer Allah seul avec moi et suivez la vérité, adorez Allah et obéissez-moi. Ça faisait pas plaisir à tout le monde. C'est sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a divisé son peuple entre mu'minin et kuffar, mu'minin et mushrikin. Mais cette division-là, c'était pour distinguer entre ceux qui aiment le vrai et ceux qui aiment le faux. Et ça, c'est une division pour que les gens soient sur la clarté. Mais si tu dis, non, il ne faut pas diviser les hommes du tout, et que le vrai et le faux restent mélangés, ça c'est de la confusion. Et c'est ça que les gens de Bid'a et les gens des Garmas, c'est ça ce qu'ils veulent, que les gens puissent pas distinguer. Donc ça c'est pas la da'wah des prophètes. Et c'est pour ça ensuite le Cheikh il dit da'wah al-anbiya kulluha ila at-tawhid ila ikhlas ad-din lillah wa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam aqama 13 sana fi Makkah yad'u ila at-tawhid faqat ila as-sunnati إلى السنة العاشرة إلى السنة العاشرة فرضت الصلاة فرضت الصلاة عليه الصلاة والسلام وعلى أمته واستمر إلى نهاية حياته وهو يدعو إلى التوحيد وتنزل الآيات وتأتي التوجيهات منه صلى الله عليه وسلم توجيهات الأمة إلى توحيد الله وهو يرفض أنفاسه ويلفظ أنفاسه عند نفسه الأخير يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. Donc le cheikh il dit les appels, l'appel des prophètes c'était toujours d'appeler au tawhid, à l'unicité d'Allah et à purifier la religion pour Allah seul. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam est resté 13 ans à Mecca, a appelé uniquement au tawhid. Et vers l'année 10, la 10e année, c'est là que la salat a été ordonnée et rendue obligatoire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour la umma. Et c'est resté comme ça et ça a continué jusqu'à la fin de sa vie. La fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a continué à appeler au tawhid. Et les versets continuaient à descendre d'Allah pour orienter les musulmans, orienter la umma vers le tawhid d'Allah. Et jusqu'à ses derniers souffles, ses derniers souffles, il a continué à indiquer et à appeler à la umma à adorer Allah seul. Et il disait, juste avant de mourir, La'natullahi ala al-yahoudi wa al-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. C'est-à-dire que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux d'adoration, des lieux de culte. Et il avertissait contre ce qu'ils avaient fait. Pourquoi? Pour que les musulmans après lui ne fassent pas la même chose. Et le cheikh il dit: والذي يبني المساجد على القبور والذي يبني المساجد على القبور يستحق هذه اللعنات والذي يعبد القبور يستحق هذه اللعنات أكثر فأين الدعوة الصحيحة السائرة على طريقة الأنبياء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السائر على طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تجد هذا إلا في المنهج السلفي وكل الطوائف يحاربون هذا المنهج وكل الطوائف الفاجرة الضالة المنحرفة انحرافا سياسيا وعقائديا ومنهجيا يحاربون هذا المنهج والإسلام الحق والله في غاية الغربة الإسلام الحق في غاية الغربة خاصة في غير هذا البلد كل البلدان الإسلامية بدون استثناء كلها الإسلام الحق في غاية الغربة وأهل السنة فيها قليلون مضطهدون. أي نعم. Donc on va terminer avec ça pour aujourd'hui. Le cheikh, il dit, ceux ou celui qui bâtit des mosquées sur les tombeaux, il mérite ces malédictions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnées sur les juifs et les chrétiens. Ceux qui adorent les tombes, ils méritent ces malédictions encore plus. Il dit donc, où est cette da'wa authentique qui suit et qui marche sur la voie des prophètes alayhi salatu wassalam? Il dit, tu ne le trouves pas ça ailleurs que dans la da'wah sur le manhaj des salafs. Tu ne trouves pas cette voie et cet appel et cette da'wah autre ou ailleurs que dans le manhaj salafi. Qui appelle au tawhid actuellement dans le monde musulman à part les salafis, à part les gens qui suivent la voie des salafs et le manhaj des salafs? Personne. Personne qui donne d'importance au tawhid, qui donne des cours sur le tawhid, qui écrit des livres sur le tawhid, qui explique les livres sur le tawhid. Ils en parlent à peine. Tu regardes leur sujet de conférence, leur sujet de livre. Ils parlent de toutes sortes de sujets, mais la plus importante des choses dans l'islam, qui est le tawhid, ils en parlent à peine. C'est comme si c'était un sujet dans la marge. C'est un sujet qui est dans la marge, qui n'est pas très prioritaire, pas très important. Certains musulmans pensent même que ce n'est pas nécessaire d'en parler parce qu'on le connaît déjà. Alors que plein d'entre eux font du shirk. Allah musta'an. Donc le cheikh il dit, tous les groupes actuellement, ils font la guerre à ce manhaj, à la voie des salafs. Tous les groupes, toutes les sectes. J'écoutais par exemple, juste pour donner un exemple, Tariq Ramadan et Hassan Ekhusen. Ces deux parmi les frères musulmans, parmi les Ikhwan en Europe. Tu écoutes leurs interventions, leurs conférences. Ça, peut-être que c'est pas écrit le titre, le titre de la conférence, c'est pas écrit la guerre contre les salafis. Ou la guerre contre la da'wa salafia. Mais tu pourrais en fait enlever le titre qu'il a écrit puis mettre ça à la place. Et ce serait un bon titre pour désigner leur da'wa. Parce que même si ça paraît pas en avant de leur da'wa que leur objectif c'est de contrer la da'wa salafia, mais la réalité c'est ça. C'est que tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font dans leurs conférences et dans leurs interventions et dans tout ce qu'ils diffusent, c'est uniquement une chose, d'opposer la da'wa des salafs et de contredire le manhaj des salafs. C'est uniquement ça et pas d'autre chose. Quand ils donnent des exemples, des anecdotes ou des choses de ce genre, pour se moquer, ils se moquent des salafis. Pour se dénigrer, ils dénigrent ceux qui vont suivre la sunna. Ils vont se moquer de ceux qui suivent la sunna. Et ils appellent à tout ce qui contredit la sunna comme si c'était sans problème. Il va citer un hadith, puis il va dire, ce hadith, ça veut dire le contraire. Yani, subhanallah. C'est comme si on dirait que, pour eux, le Coran, c'est la constitution européenne. Et la sunna, eh bien, c'est yani, le livre des lois des différents pays de Kufr. C'est ça pour eux, la charia. Et c'est ça pour eux, la révélation. Pas le Coran et pas la sunna. Donc tout ce qu'ils trouvent dans la loi, dans le Coran et dans la sunna, qui contredit ce que les kuffars aiment et ce qu'ils ont écrit comme règles et comme principes dans l'islam, ils disent aux musulmans, eh ben, il faut le détourner, il faut changer le sens des versets dans le Coran, il faut juste suivre la loi européenne. C'est ça notre voie. Et qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la sunna, ça vous l'avez pas bien compris. C'est pas de suivre qu'est-ce qui est écrit dans le Coran et dans la sunna, l'important, c'est de suivre les lois qui sont écrites par les kuffars dans les pays de kuffr. Hein? Et puis, il va ramener n'importe quelle ruse, n'importe quel moyen tordu pour essayer de déformer le sens de qu'est-ce qui est dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est la réalité de ce que ces gens-là appellent. Et il y en a des kuffars qui disent, ah, mais ils font ça en réalité, mais c'est une ruse. Parce qu'en réalité, ils veulent islamiser l'Europe et islamiser les pays de kuffr. Hein? Donc ils pensent que c'est des ruseurs. La réalité, c'est qu'ils sont plus convaincus en les principes de l'Occident et des kuffars que les kuffars eux-mêmes. Ils y croient plus. Hein? Donc ce n'est pas des ruseurs. Ils sont sincères quand ils disent les paroles d'égarement qu'ils disent. C'est, en plus, c'est Naam, Allah Musta'an. Donc, le Cheikh, il dit que tous ces groupes-là, ils font la guerre à ce manhaj, et tous ces groupes sont des groupes d'égarement qui sont déviés. Ils sont déviés dans la politique, déviés dans la croyance, déviés dans la méthodologie. Ils font la guerre à cette voie, à la voie des salafs, et à l'islam de vérité. Il dit l'islam, le réel islam actuellement est devenu étranger. L'islam réel, le vrai islam, et en particulier, il dit en dehors de ce pays, c'est-à-dire en dehors du pays où il vit, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, la Mecque, Médine, l'Arabie, c'est un pays où, disons, l'islam est appliqué, la sunna est plus en force. Mais il dit, à part ça, dans le reste du monde, tu vois que les gens qui veulent s'accrocher au vrai islam et à la sunna, ils sont des étrangers. Et il dit que les gens de la sunna partout ailleurs sont une petite minorité, hein, et ils sont opprimés. Hein, c'est ça la vérité. Donc c'est pour ça que c'est important que les musulmans étudient leur religion, apprennent leur religion, pour qu'ils puissent appeler les gens à suivre le Coran et la Sunna, pour qu'ils puissent appeler les dirigeants à la Sunna, et qu'ils puissent appeler les peuples et la population aussi à la Sunna. Donc on va s'arrêter à ça pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera يعني au prochain cours, bi'ithnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, استغفرك واتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.